Premier chapitre, deuxième partie. Peu de jours avant notre départ, il se passa un événement qui fit grand bruit dans la ville et qui me paraît assez bizarre pour être raconté. Des paysans, en revenant d'une foire, firent la rencontre d'un Périclatnoï sans cocher et sans attelage, complètement abandonné sur la voie publique. En le visitant, ils eurent la preuve qu'un crime avait été commis sur ce point à la vue des traces de sang dont la voiture était maculée. La police, aussitôt informée, fit immédiatement des perquisitions et finit par découvrir à peu de distance de la station de poste le cadavre d'un courrier étendu dans le fossé, la tête fendue d'un grand coup de sabre. Aussitôt, on s'empara du maître de poste, misérable juif, qui, malgré ses protestations, fut envoyé en prison où il était encore à notre départ. C'est seulement à Taganrog que nous apprîmes, au bout de 6 semaines environ, les détails de cette aventure tragique. La police, sur des indications qui rendaient l'histoire encore plus étrange, était parvenue, 8 jours après notre départ, à arrêter l'auteur du crime qui finit par faire une confession complète. Propriétaire d'une petite boutique à Kherson et fort mécontent du rôle qu'il jouait en ce monde, ce misérable était dominé, avant la catastrophe, par une idée fixe, celle de se procurer une grosse somme d'argent pour aller vivre agréablement à Odessa. Telle était son ambition. Peu scrupuleux sur les moyens de la satisfaire, il élabora dans son esprit un plan de conduite dont il ne se départit pas un instant et qui décèle en lui une subtilité d'imagination jointe à une force de volonté digne d'une meilleure cause. Son premier soin fut de faire l'abandon de sa boutique à son beau-frère, moyennant quelque argent qui lui permit d'aller en Crimée. Là, il laissa croître sa barbe, s'affubla de la tchouba, pelisse en peau de mouton, prit toutes les habitudes d'un moujik et, quand il se crut méconnaissable, se proposa comme Djemchik, cocher, aux Juifs qui tenaient la station dont j'ai parlé plus haut. Entré en fonction, il attendit plus d'un mois avant d'exécuter son projet, voulant une proie digne de son ambition. Vint enfin un malheureux courrier qui se trouvait porteur d'une somme considérable pour le gouverneur d'Ekaterinoslav, et sa mort fut résolue. Cependant, l'assassin avoua avoir hésité quelques instants, non par horreur du crime, mais parce qu'il avait reconnu en cet homme un ancien camarade d'enfance. 2 fois, il manqua de courage. Enfin, honteux de sa faiblesse, il prit le sabre du courrier qui dormait profondément et lui fendit le crâne d'un seul coup. Après avoir jeté le cadavre dans le fossé et s'être emparé de la cassette, il continua sa route jusque dans le voisinage d'Ekaterinoslav, abandonnant, avant d'entrer dans la ville, le Périclatnoï, dont il s'adjugea les chevaux, puis il s'empressa de couper sa barbe et de reprendre des allures de petit bourgeois pour entrer dans sa ville natale, où sa famille le reçut avec empressement, dans la persuasion qu'il venait de faire quelques trafics en Crimée. Pendant tout un mois, il se tint fort tranquille, quoique dévoré du désir de partir pour Odessa. C'est au moment où, plein de sécurité, il allait s'envoler que la police qui le surveillait à son insu mit la main sur lui. Peu endurci dans le crime, il fit les aveux les plus complets et reçut 100 coups de knout avant la perspective d'aller en Sibérie s'il survivait à son affreux supplice. Le maître de poste, quoique fort innocent de la chose, fut exilé en Sibérie après avoir vu ses enfants enrôlés comme soldats et tout ce qu'il possédait devenir la proie des employés de la police. Avec de telles lois pénales où l'innocent compromis est puni presque aussi rigoureusement que le coupable, la Russie a peu à craindre du côté des malfaiteurs. Aussi, malgré son immense étendue et sa population clairsemée, y voyage-t-on avec plus de sécurité que dans les pays les mieux civilisés. mais cet état de choses tient pour le moins autant à la situation politique de la population qu'à la sévère administration de la police. Dans un pays où le peuple est esclave, le brigandage devient, pour ainsi dire, impossible. Cependant, en Bessarabie, entre 1832 et 1836, il exista une bande de voleurs très redoutable, organisée sous les ordres d'un certain Ivan, qui fut longtemps le thème de mille histoires invraisemblables. Ce bandit n'était qu'un serf révolté et jouait tout simplement dans un coin de la Russie, certes sans s'en douter, le rôle d'un brigand d'opéra comique. Il était beau, généreux, sensible et n'enlevait jamais les joyaux des jeunes et jolies voyageuses. Bien plus, tout en faisant la guerre à la société, il passait pour être plein d'humanité envers les malheureux, et plus d'un paysan avait trouvé près de lui aide et protection. Audacieux, adoré de sa troupe, rançonnant sans pitié les seigneurs et surtout les juifs, contre lesquels il nourrissait une profonde aversion, il déjoua longtemps toutes les poursuites de la police. On ne le prit qu'en 1836, par suite de la perfidie d'une fille qu'il aimait et qui, nouvelle Dalila, le livra aux rigueurs de la justice. Il mourut sous le knout et sa bande ne tarda pas à être anéantie. Pour achever la guérison de mon mari, nous allâmes passer quelques jours dans la propriété d'une aimable compatriote, la baronne de Bervic, qui nous reçut à bras ouverts. Après avoir épuisé toutes les distractions qu'on peut trouver à la campagne, telles que promenades à cheval, en barque et en voiture, elle me proposa une visite à un couvent de moines situé sur le Dnieper, possédant depuis quelques mois un archimandrite, archevêque, de Moscou, envoyé là comme prisonnier après avoir été dépouillé de son rang et de ses fonctions épiscopales. La publicité est chose si inconnue en Russie que personne ne savait la cause de ce grave événement. Seulement, on se disait à l'oreille qu'une telle disgrâce était due à des idées trop libérales, à une intelligence trop élevée. La folie, ajoutait-on, servait de péripétie à cette réclusion qui devait être éternelle. Je n'ose pas affirmer que le désir d'apercevoir l'archimandrite, sur lequel couraient encore beaucoup d'autres versions romanesques, fut absolument étranger à notre excursion, car nous étions trop filles d'Ève pour échapper à la loi commune. Quoi qu'il en soit, nous ne voulûmes mettre personne dans notre confidence, pas même Monsieur de Hell, qui dut rester bon gré malgré tout seul au logis. Nous arrivâmes au couvent un peu avant le coucher du soleil, non sans avoir admiré l'aspect mélancolique du vieil édifice éclairé par les rayons du soir et se reflétant sur les eaux calmes du Dnieper. Ses hauts murs, ses petites fenêtres, la plupart grillées, ses portes massives et la tour carrée qui lui servait d'entrée principale lui donnaient bien plus l'apparence d'une prison d'État que d'un séjour de paix et de fraternité. Avant de franchir le porche de la tour, nous aperçûmes sur un balcon élevé trois moines dans l'attitude de la prière et du recueillement que le hasard semblait nous offrir pour compléter l'harmonie de cette belle soirée. Vus ainsi à distance, ces silhouettes immobiles et penchées jetaient sur le paysage un charme indéfinissable. Nous fûmes presque tentés de nous en tenir à l'impression poétique du moment sans demander à la réalité des émotions d'un ordre bien opposé, tentation, je dois l'avouer humblement, qui dura à peine quelques secondes, laquelle ne nous empêcha nullement de sonner et d'entrer et d'ouvrir de grands yeux dans l'espoir de découvrir des choses extraordinaires. Le portier, vieux et sale, moine porteur d'une figure rubiconde qui n'annonçait en rien l'austérité monacale, nous conduisit à l'église, au réfectoire et dans la salle du conseil, et voulut même nous présenter au supérieur, honneur que nous nous empressâmes de décliner. Tout notre souci était d'examiner avec soin chaque porte de cellule, à mesure que nous traversions un corridor, espérant toujours qu'un hasard nous conduirait devant celle de l'archimandrite. Mais toutes les portes étaient closes, et nul indice ne venait à notre aide. La baronne finit par demander à notre guide si le prisonnier de Moscou habitait encore le couvent. À cette question imprévue, frère Dimitri prit un air fort grave et lança de droite et de gauche un regard tant soit peu effaré et nous assura en baissant la voix que cet homme porterait malheur à toute la communauté parce qu'il était possédé de l'esprit malin, accusation qu'il s'empressa de justifier en nous racontant comme quoi le malheureux prisonnier se roulait par terre en jetant de hauts cris et passait des journées entières sans prendre la moindre nourriture. Tout cela nous donna la preuve que les bruits de folie qui circulaient sur son compte étaient parfaitement fondés. Séduit par l'appât d'un rouble, le brave homme consentit à nous conduire dans un obscur corridor au fond duquel une porte entrouverte nous fut désignée comme donnant accès dans la cellule de l'archimandrite. Combien nous nous sentîmes émus en plongeant nos regards dans cette pièce alors vide, qu'éclairait à peine un dernier rayon du couchant. Un sentiment d'effroi, de pitié et de dégoût nous retint cloués sur le seuil, car rien n'aurait pu d'abord nous faire affronter l'odeur infecte qui remplissait la cellule. L'affreux désordre de ce taudis prouvait éloquemment la folie de son hôte. Des immondices couvraient le sol, des lambeaux d'étoffe brillante mêlés à des débris de paille et d'aliments traînaient çà et là. Un grabat recouvert de toutes sortes de nippes occupait un des coins de la chambre. Mais ce qui nous impressionna le plus vivement, ce fut de constater le mélange de luxe et de misère, d'élégance et de désordre, dont toute la pièce offrait le navrant spectacle. Sur une mauvaise table toute branlante, nous remarquâmes de beaux livres à moitié déchirés, un bouquin d'ambre orné de saphir et une mitre encore enrichie de pierreries. Puis, à côté de ces richesses, une écuelle vide, du vin répandu, des taches de suif, mille détails ignobles. Le portier, habitué à cette existence dégradée, nous répéta que chaque nuit, l'archimandrite faisait entendre d'horribles vociférations. Sa santé, qui déclinait rapidement, avait forcé le supérieur à lui laisser quelques libertés dans le jour, sauf à l'enfermer la nuit, comme un animal dangereux. Hélas, qu'y a-t-il de plus dangereux qu'un être privé de raison? Seulement, il s'agissait de savoir si les conditions dans lesquelles ce malheureux vivait au couvent n'étaient pas une des causes les plus puissantes de sa dégradation morale. Considéré par les moines comme un paria, dès son arrivée au milieu d'eux, il avait trouvé la solitude, le mépris, l'insulte pour guérir de cruelles blessures, pour endormir les souvenirs qui le torturaient. La pensée de tout ce qu'il avait souffert, de tout ce qu'il souffrirait encore dans cette cellule, qui prenait à nos yeux un aspect tout à fait sinistre, nous oppressa tellement que nous nous enfuîmes sans vouloir attendre le portier qui ne savait à quoi attribuer notre panique soudaine. Le besoin de respirer, de secouer ce cauchemar, nous conduisit d'instinct sur le balcon occupé précédemment par les trois moines, tandis que frère Dimitri arrivait haletant pour se remettre à notre disposition. Dans des circonstances ordinaires, nous n'aurions pu regarder sans rire sa grosse figure encapuchonnée et l'air ébahi avec lequel il suivait tous nos mouvements. Mais, impatient de nous débarrasser de sa personne, nous lui donnâmes une gratification avec l'ordre formel de nous laisser tranquille. Un moment après, accoudés sur une large balustrade, nous nous demandions si nos récentes impressions n'étaient pas l'effet de quelque fantasmagorie et s'il existait réellement des infortunes aussi affreuses que celles dont nous venions d'avoir la révélation. Quel changement de scène en quelques minutes! Là-bas, au fond d'un noir corridor, un taudis qui soigne de partout la folie et la rage. ici toutes les splendeurs d'une belle soirée d'été. Le dernier père et les Plaveniques, îles, où le soleil couchant faisait mille trouées lumineuses, étaient empreints d'une telle sérénité qu'elle finit par nous gagner. Une grande lodka descendait le fleuve avec sa voile triangulaire et son équipage assis en rond sur le pont qui chantait à demi-voix un de ces airs petit-russiens dont la triste douceur ne peut s'exprimer. Devant ce tableau plein de grâce et d'éclat, nos poitrines se dilatèrent. Le souvenir de l'archimandrite commença même à s'affaiblir et nos facultés reprenaient leur équilibre lorsque la baronne, d'un geste, me montra à l'extrémité du balcon une espèce de fantôme qui semblait enraciné à sa place et dont je voudrais en vain dépeindre la fixité du regard, la maigreur des traits, l'expression de la bouche entrouverte par un sourire trempé de larmes. Sa robe de moine s'en allait littéralement en lambeaux et sa barbe rousse couvrait toute la partie inférieure du visage. Dans le premier moment, une telle apparition me causa presque de l'épouvante. Au regard consterné que me jeta la baronne, je vis qu'elle n'était guère plus rassurée que moi, ce qui acheva de me déconcerter. « Pourvu, lui dis-je tout bas, qu'il ne lui prenne pas fantaisie de nous faire faire le saut périlleux !» Et d'un geste, je lui montrai les blocs de rochers servant de base au monastère. Comprit-il notre secret effroi ? Je serais tentée de le croire, car il vint lentement à nous, les bras ballants, tout en jetant sur sa misérable défroque un regard désespéré. Cependant, à notre vive surprise, il engagea en homme du monde, avec la baronne, une conversation qui me permit de supposer, à ses gestes nobles et expressifs, à l'ardeur de ses paroles, à l'éclair d'intelligence qui anima tout à coup son pâle visage, qu'en effet, la cause de sa disgrâce devait être dans des facultés intellectuelles trop développées. Quel triste pays que celui où les dons les plus précieux de la nature sont presque considérés comme un crime et peuvent devenir, pour celui qui les possède, une cause de ruine, de désespoir et de folie. Après avoir parlé politique comme un fou, seul peut en parler en Russie, l'archimandrite s'éleva à un véritable lyrisme en passant en revue les poètes contemporains qui semblaient lui être tout à fait familiers. Cette conversation se faisant en russe, je ne pouvais la suivre qu'imparfaitement, mais la baronne m'assura plus tard que tout ce qu'il avait dit était plein de cœur, d'esprit et même de raison. Désireux de prouver à Madame de Bervic que la langue russe ne le cédait à aucune autre en fait de poésie, il déclama la fontaine des larmes de Pouchkin comme jamais, peut-être, ces beaux vers n'avaient été dits. Le bras étendu en avant, le regard inspiré, il semblait évoquer dans un langage passionné les génies invisibles des airs et des eaux. Le moment fut vraiment sublime. Martyr de l'intelligence, il protestait par cet élan de poésie contre la barbarie de ceux qui avaient détruit en lui le sens moral. Sa physionomie en était comme illuminée. Quant à nous, suspendus à ses paroles, nous ne songions guère alors que cet homme revêtu d'un tel prestige était un pauvre fou échappé pour un moment à son gardien. Mais la voix grondeuse d'un moine vint nous rendre à la réalité et arracher le malheureux à l'extase du moment. Ses yeux redevinrent hagards, sa taille s'affaissa. Il porta la main à sa poitrine comme s'il ressentait une vive douleur et quitta le balcon en poussant un long sanglot. Que d'existences qui pourraient être fécondes sont ainsi dévastées par la souffrance et ne laisse après elle qu'un triste et fugitif souvenir. De retour à Ekaterinoslav, qui se trouvait pour l'instant notre quartier général, nous jouîmes encore pendant quelques jours des plaisirs de la vie civilisée auxquels nous allions devenir comme étrangers. Au résumé, cette ville est fort agréable et j'en conserve un excellent souvenir. Tout y respire le bien-être. Je remarquai même que les Juifs n'y offrent plus l'aspect ignoble des Juifs de Kherson et d'Odessa. Les femmes s'y distinguent par les riches fourrures et les belles pierreries dont leur coiffure est ornée. Quelques-unes sont fort belles et portent avec autant de grâce que de dignité la tunique polonaise bordée d'hermine dont elles se parent les jours de fête. Dans toute la Russie, les Israélites observent avec une grande exactitude les pratiques extérieures de leur religion. En communication plus directe avec leurs frères d'Orient, plus avilis, plus méprisés peut-être que partout ailleurs, ils n'en sont que mieux disposés à conserver intactes les cérémonies et exigences de leur culte, seul moyen de se relever à leurs propres yeux de la dégradation à laquelle ils se trouvent condamnés. Toute ville où domine la population israélite présente un très curieux spectacle le vendredi soir. Chaque maison, riche ou pauvre, étincelle de lumière depuis le coucher du soleil jusqu'à minuit, et quiconque s'approche de la croisée entrouverte d'une demeure juive aperçoit un spectacle qui semble emprunté à quelques chapitres de la Genèse. Ce qui attire tout d'abord le regard est une espèce d'autel occupant le fond de la pièce sur lequel s'élèvent par gradins les pins azim entremêlés d'un grand nombre de bougies formant des pyramides de lumière. Toute la famille et les serviteurs entourent cet autel en murmurant d'une voix sourde et monotone quelques versets du Talmud. Les femmes, revêtues de leurs beaux costumes orientaux, ont la tête comme entourée de flammes, tant la lumière scintille sur leurs riches bijoux. Les hommes, au contraire, avec leurs longues robes de lustrine noire, semblent porter le deuil qui convient à un peuple condamné à errer éternellement dans le monde. Fin du premier chapitre.